marcher seul dans la ville sans vraiment savoir où aller. Des lumières glissaient sur mes doutes, j'essayais de respirer. On dit qu'avec le temps, tout finit par s'apaiser. Mais le silence que je porte ne veut plus me lâcher. Et j'ai compris qu'on ne guérit qu'en laissant tomber les armes, qu'en regardant ceux qu'on fuit avec courage sans vacarme. Alors je parle à cœur ouvert, je laisse sortir tout ce que j'enterre. Si je me perds, tant pis, j'apprends, j'apprends à mieux vivre vraiment. À cœur ouvert, même si j'ai peur, je veux sentir battre mes erreurs. C'est comme renaître un peu. Y'a ces mots qu'on n'a pas dit et qui nous collent à la peau. Ces promesses qu'on abandonne, ces rêves posés trop. Mais j'avance malgré les ombres qui se glissent dans mon dos. Et je deviens quelqu'un d'autre en apprenant mes défauts. Et j'ai compris qu'on est plus fort quand on s'autorise à tomber. Que l'avenir s'écrit encore quand on ose recommencer. Alors je parle à cœur ouvert, je laisse sortir tout ce que j'enterre. Si je me perds, tant pis, j'apprends. Je veux vivre mieux, vivre vraiment. À cœur ouvert, même si j'ai peur, je veux sentir battre mes erreurs. C'est comme renaître un peu. Tombe, relève-moi. Si j'oublie, rappelle-moi que la lumière est là, juste au bout de mes doigts. Je ne veux plus me cacher, je veux apprendre à aimer, comme si demain tout recommençait. Alors je parle à cœur ouvert, je laisse sortir tout ce que j'enterre. Si je me perds, tant pis, j'apprends. Je veux vivre mieux, vivre vraiment. À cœur ouvert, même si j'ai peur.